Marc 10, versets 28 à 30, version parole de vie. Alors Pierre lui dit, « Écoute, nous avons tout quitté pour te suivre. » Jésus lui répond, « Je vous le dis, c'est la vérité. Si quelqu'un quitte maison, frère, sœur, mère, père, enfant et champs à cause de moi et de la bonne nouvelle, cette personne recevra 100 fois plus dès maintenant dans ce monde. Elle recevra des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des champs. En même temps, elle souffrira à cause de moi. Et dans le monde qui vient, elle recevra la vie avec Dieu pour toujours. » Un jeune homme riche qui disait avoir respecté tous les commandements de Dieu venait de se détourner de Jésus et de s'en aller tout triste. Il avait voulu savoir ce qui lui manquait encore. Et Jésus lui a dit, « Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens et suis-moi. » Il s'en est suivi une discussion sur la richesse et le salut entre Jésus et ses disciples. Et puis il y a eu cette interpellation de Pierre que nous venons de lire en Marc 10, versets 28 à 30. Examinons en deux points cette conversation entre Pierre et Jésus. Premièrement, nous avons tout quitté pour te suivre. Deuxièmement, tous ceux qui ont quitté recevront. Alléluia. Vous écoutez « Rencontrer Jésus-Christ, suivre ». Ceci est un enseignement de préparation au séminaire « Métanoïa », transformé à son image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Le séminaire « Métanoïa » est une invitation à rencontrer Jésus-Christ et à expérimenter la transformation par laquelle il divise toute histoire humaine en un avant Jésus-Christ et un après Jésus-Christ. Les enseignements de préparation à ce séminaire et à d'autres séminaires sont téléchargeables gratuitement sur le site www.epplaparole.com. Ces ressources ne peuvent être vendues. Toutefois, vous pouvez les reproduire, les distribuer et les diffuser gratuitement, sans les tronquer et sans les modifier. Je suis Marie-Laure Braga et revoici Paul-Julien Braga pour la suite du message. Bonne écoute! Alléluia. Alléluia. 1. Nous avons tout quitté pour te suivre. Aussitôt est un mot frappant qui revient dans le récit des rencontres de Jésus avec quelques-uns de ses disciples. Prenons les frères Simon et André. Il est écrit, en passant au bord de la mer de Galilée, il vit Simon et André, frères de Simon, qui jetaient leurs filets dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Jésus leur dit, « Venez à ma suite et je vous ferai devenir pêcheurs d'humains. » Aussitôt, ils laissèrent leurs filets et le suivirent. Marc 1, versets 16 à 18, version Nouvelle Bible, second. Prenons encore les frères Jacques et Jean. Il est écrit, « En allant plus loin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient dans leur bateau avec Zébédée, leur père, à réparer leurs filets. Il les appela. Aussitôt, ils laissèrent le bateau et leur père, et ils le suivirent. Matthieu 4, versets 21 à 22, version Nouvelle Bible, second. Prenons enfin Lévi, aussi appelé Matthieu. Le mot « aussitôt » n'est pas utilisé dans le récit de sa rencontre avec Jésus, mais on voit qu'il obéit aussitôt. Il est écrit, « Après cela, il sortit et il vit un publicain nommé Lévi assis au bureau de recette et il lui dit, « Suis-moi. » Et quittant tout, il se leva et le suivit. Luc 5, versets 27 à 28, version Darby. Ces hommes n'ont donc pas seulement quitté, mais ils l'ont fait promptement. On peut voir les cinq hommes mentionnés ici quitter tous leur emploi. Deux d'entre eux quittent aussi leur père. Mais en fait, Jésus demande bien plus de toute personne qui veut être son disciple. Il dit, « Celui qui vient à moi doit me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs et même à sa propre personne. Sinon, il ne peut pas être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix pour me suivre ne peut pas être mon disciple. » Ainsi donc, ajouta Jésus, Chacun de vous ne peut être mon disciple s'il ne renonce pas à tout ce qu'il possède. Luc 14, versets 26 à 27 et verset 33, version Bible en français courant. Il dit encore, « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. » Matthieu 10, versets 37 à 38. L'appel à être un disciple de Jésus-Christ est donc un appel à renoncer à tout, y compris à soi-même, pour la gloire du Maître. Alors, cela veut-il dire que le salut est une perte? Écoutons la réponse de Jésus. 2. Tous ceux qui ont quitté recevront. Jésus répond à la préoccupation de ses disciples sur leur sort, eux qui ont tout quitté pour le suivre. Remarquez que c'est Pierre qui pose la question, mais Jésus répond « Je vous le dis », car il s'agit d'une préoccupation commune à tous les disciples. La réponse de Jésus révèle trois réalités du sujet. Premièrement, les raisons de quitter. Deuxièmement, les relations et ressources quittées. Et troisièmement, les résultats de quitter. 1. Raison de quitter. Jésus cite deux motivations pour renoncer aux relations et ressources énumérées dans ce passage. Il dit « à cause de moi et de la bonne nouvelle ». Beaucoup de gens renoncent à des relations et à des richesses. Recevront-elles pour autant les récompenses annoncées par Jésus? Certainement pas si leur motivation pour ce faire n'est pas la personne et l'évangile de Jésus-Christ. 2. Relations et ressources quittées. Jésus précise ce que Pierre appelle « tout » en disant « nous avons tout quitté ». Et il s'agit essentiellement de relations, frères, sœurs, mères, pères, enfants, et de richesses, maisons et champs. 3. Résultats de quitter. Jésus a promis trois résultats à ceux qui quittent leurs relations et leurs ressources pour lui et pour l'Évangile. Premièrement, le centuple des relations et des ressources quittées dans ce monde. Deuxièmement, des souffrances, des persécutions dans ce monde. Et troisièmement, la vie éternelle dans le monde qui vient. Dans un autre contexte, en Jean 6, des disciples avaient quitté Jésus en disant « Cette parole est dure, qui peut l'écouter ?» Jean 6, verset 60. Et Pierre, parlant là encore pour les 12 à qui Jésus demandait s'ils ne voulaient pas s'en aller aussi, dit « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et vous, êtes-vous prêts, êtes-vous prêtes à quitter Jésus ou à tout quitter pour suivre celui qui seul a les paroles de la vie éternelle ?» Vous venez d'écouter « Rencontrer Jésus-Christ, suivre ». Ceci est un enseignement de préparation au séminaire « Métanoïa », transformé à son image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Le séminaire « Métanoïa » est une invitation à rencontrer Jésus-Christ et à expérimenter la transformation par laquelle il divise toute histoire humaine en un avant Jésus-Christ et un après Jésus-Christ. Les enseignements de préparation à ce séminaire et à d'autres séminaires sont téléchargeables gratuitement sur le site www.epplaparole.com. Ces ressources ne peuvent être vendues. Toutefois, vous pouvez les reproduire, les distribuer et les diffuser gratuitement, sans les tronquer et sans les modifier. Vivez transformé au nom de Jésus-Christ.